J'ai dansé, dansé avec maman Maria. J'ai dansé, dansé avec maman Susie. Je suis rentré à la maison à minuit passé. Je suis fâché à refuser d'ouvrir la porte. Mais moi pas fâché, mais moi pas fâché, parce que j'ai dansé du disco à l'Africana. Mais moi pas fâché, mais moi pas fâché, parce que j'ai dansé du disco à l'Africana. Soul. Avec les amis, j'ai dansé, dansé avec Zigolé, Zigolé. J'ai dansé, dansé avec maman Pilier. Je suis rentré à la maison à minuit passé. Chouchou fâché a refusé d'ouvrir la porte. Et moi pas fâché, et moi pas fâché, parce que j'ai dansé du disco à l'Africana. Et moi pas fâché, et moi pas fâché, parce que j'ai dansé du disco à l'Africana. Sous, hey! trouve un bon esprit pour y danser du tout.